La compagnie des auteurs, c'est toute une équipe, Didier Pinault, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost et Eva Le Sceau à la préparation, à la réalisation, Laurence Millet à la console aujourd'hui, Dali Yara. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, dernier épisode de notre série d'émissions consacrée à Mario Vargas Llosa. C'est son père, paradoxalement, qui aurait donné à l'écrivain hispano-péruvien sa vocation. Paradoxalement, car ce père fut un fantôme pendant les 10 premières années de la vie de son fils et ne ressurgit sans prévenir que pour en reprendre le contrôle et l'envoyer dans un pensionnat militaire, bien loin de cette littérature qu'il jugeait pas assez virile pour sa progéniture. Stéphane Michaud nous en parlait lundi. Mardi, le traducteur de Vargas Llosa, Albert Bensoussan, a poursuivi le portrait entamé la veille, celle d'un amoureux des lettres, et des lettres françaises en particulier, mais qui était aussi un homme d'action, candidat notamment à la présidentielle au Pérou en 1990 et engagé depuis très longtemps dans diverses causes humanistes. Hier, c'est sur la question de la violence, thématique omniprésente dans les romans du prix Nobel 2010, que s'est arrêtée la chercheuse en littérature comparée Claire Sourpe. Violence qui court aussi bien dans les rapports politiques qu'interpersonnels. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, deux parties, deux invités, deux visions. Après la chronique de Bernard Géniès, nous serons rejoints par Zoé Valdès, écrivaine d'origine cubaine. Elle nous parlera de son Vargas Llosa. Mais tout de suite, l'écrivain Guy Scarpetta est avec moi autour de cette table pour évoquer deux romans de Vargas Llosa, La fête au bouc, ainsi que La tante Julia et Le scribouillard, dont voici pour commencer un extrait. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs. Je doutais que les feuilletons radiophoniques étaient importés. Mais je fus surpris d'apprendre que les Gennaro ne les achetaient pas au Mexique ni en Argentine, mais à Cuba. Ils étaient produits par la CMQ, une sorte d'empire radio-télévisuel gouverné par Goar Mestre, un monsieur aux cheveux argentés que j'avais vu parfois de passage à Lima traverser les couloirs de Radio Panaméricaine, escorté par les propriétaires empressés et sous le regard déférent de tout le monde. Gennaro fils achetait, ou plutôt la CMQ vendait, les feuilletons au poids et par télégramme. C'est lui-même qui me l'avait raconté, un après-midi où je lui demandais, à sa grande stupéfaction, si on lisait, lui, ses frères ou son père, les livrets avant de les diffuser. « Serais-tu capable, toi, de lire 70 kilos de papier ?» rétorqua-t-il en me regardant avec la condescendance bienveillante due à l'intellectuel que j'étais à ses yeux depuis qu'il avait vu une de mes nouvelles dans les feuilles dominicales de El Comercio. Calcule le temps qu'il faudrait. Un mois? Deux? Qui peut consacrer deux mois à s'envoyer un feuilleton radiophonique? On s'en remet au hasard, et jusqu'à présent, heureusement, le Seigneur des miracles nous protège. Les feuilletons étaient vendus au poids parce que c'était une formule moins trompeuse que celle du nombre de pages ou de mots, en ce sens que c'était la seule qu'on pouvait vérifier. Un extrait donc de ce célèbre roman de Vargas Llosa, La tante Julia et Le scribouillard, un texte lu par Michel Derville. Bonjour Guy Scarpetta. Bonjour. Alors la littérature au kilo décrite par le narrateur de ce roman, ça n'est pas a priori la bonne littérature. Et pourtant, c'est celle qui a le plus de succès. Et Mario Vargas Llosa s'interrogeait beaucoup sur ce fait-là. Il se demandait pourquoi finalement la littérature au kilo était celle qui marchait le mieux. C'est devenu un gros mot de parler de sous-culture de masse, comme on le faisait à l'époque de Roland Barthes, et je crois que c'est un phénomène qui mérite qu'on s'y attarde. Ce qui est formidable dans un livre comme La tante Julia et Le scribouillard, c'est qu'on a un exemple extraordinairement subtil de la manière dont la très haute littérature, celle de Vargas Llosa, peut traiter cette sous-culture de masse à travers le phénomène très fréquent en Amérique latine dans les années 50, des feuilletons radio qui était un peu l'équivalent de ce que sont les telenovelas aujourd'hui et auxquelles tout le monde était accroché. Et je crois que Vargas Llosa est un des rares écrivains qui aborde ça de front, c'est-à-dire que on sait, et ça a été rappelé je crois dans une des émissions précédentes, l'importance que représente pour lui le modèle de Flaubert, et en même temps, il y a chez lui une fascination pour Alexandre Dumas. Bon. Et là, vous trouvez qu'on est plus chez Alexandre Dumas que chez Flaubert dans On est chez Flaubert, traitant Alexandre Dumas. Voilà. On est chez un écrivain de très haute littérature. Si vous voulez, je peux m'attarder un petit peu sur, par exemple, allons-y. L'art de la composition dans ce roman, qui est assez extraordinaire, puisque au départ, il y a deux séries de chapitres qui s'entrelacent. Quoi. Mais il y a, alors, les chapitres impairs racontent l'histoire d'un jeune apprenti écrivain qui s'appelle Mario. Mario, comme par hasard. Oui, mais c'est beaucoup moins autobiographique que dans la première version du roman. C'est-à-dire qu'il a introduit beaucoup plus de fiction qu'initialement où il voulait faire un texte plus autobiographique et plus réaliste. En fait, il assume quand même le fait que son personnage s'appelle Mario. Porte le même prénom que lui. Et il y a beaucoup de traits communs. C'est-à-dire, il veut être écrivain. Son rêve, c'est de venir à Paris pour écrire. Et pour gagner sa vie, il est obligé de travailler à la radio. Et en même temps, il poursuit une histoire d'amour complètement insensée. C'est-à-dire que il tombe amoureux de la sœur de sa tante. Donc c'est pas tout à fait sa tante, hein. C'est la sœur de sa tante. C'est la sœur de sa tante, bon, mais il y a quand même une coloration incestueuse dans cette relation. Il aurait pu appeler ça la sœur de la tante. Non, c'est, bon. Non, c'est trop compliqué. Et il la séduit, elle le séduit, et il veut l'épouser, et tout l'un des enjeux de cette partie du récit, c'est de savoir s'il va réussir à l'épouser contre les conventions et contre les pressions familiales, etc. Et puis, par ailleurs, chapitre père, on a des espèces d'épisodes de feuilleton rocambolesques avec des histoires invraisemblables de meurtres, de trahisons, justement d'inceste. Bon, et qui n'ont rien à voir et qui n'ont avec au départ, l'histoire de la tante Julia. Qui n'ont au départ rien à voir. C'est-à-dire que... et ça se termine toujours par un suspense, hein, comme dans les vrais feuilletons. Que va-t-il arriver au héros? Et ça s'arrête là. Bon. Et puis, au fur et à mesure que le livre progresse, il y a des liens qui s'établissent entre les deux séries. C'est-à-dire que on finit par comprendre qu'un certain nombre de répétitions ou d'obsessions des feuilletons proviennent du fait qu'ils sont l'œuvre d'un feuilletoniste qui travaille à la radio, qui s'appelle Camacho, qui est bolivien, qui travaille à la radio avec Mario. Par exemple, les feuilletons sont émanés de diatribes xénophobes contre les Argentins, et on apprend dans l'autre série de chapitres que ce personnage a été marié à une Argentine, qu'il l'a largué et qu'il a un compte à régler. Bon, et on finit par comprendre que ces feuilletons sont l'œuvre de ce feuilletoniste qui est à la fois un repoussoir et quelqu'un de fascinant pour qui Mario. Qui a été appelé par la radio, qui en avait marre de payer très cher au kilo, voilà. Ce qu'on entendait dans voilà. La lecture. Et lui, il est capable de fournir du feuilleton au kilomètre. Enfin, il est capable jusqu'à un certain point. Alors, donc, dans un premier temps, on se rend compte que les deux séries ont un lien qui est l'existence même de Camacho. Bon. Et peu à peu, l'histoire apparemment réaliste de Mario devient de plus en plus extravagante et se met à ressembler de plus en plus à un feuilleton. Et au même moment, les feuilletons de Camacho commencent à dérailler complètement. C'est-à-dire, il est surmené, il devient à moitié fou, il fait revenir des personnages, il fait revenir un personnage qui était mort, etc. Et le récit s'affole complètement. Et là, il y a une relation très forte entre les deux séries qui se met en place. Le tissu se resserre. Alors, on va continuer d'analyser ce roman. Mais d'abord, je voudrais que vous écoutiez ce que Mario Vargas Llosa disait de son personnage de Camacho. C'était au micro d'Arlette Dave en 1980. Dans ces romans, ce que j'ai voulu montrer surtout, c'était ce mécanisme qui m'a toujours fasciné. Et qui est le mécanisme de la création narrative, c'est-à-dire comment un écrivain transpose, n'est-ce pas, sur le plan de l'imaginaire, l'expérience qu'il vit chaque jour, non? Et comment ça s'est fait d'une façon, en général, incontrôlée, incontrôlable aussi, non? Alors je voulais montrer comment Pedro Camacho, qui a une expérience qui est très pauvre, en fait, parce qu'il a une existence minimum, non, misérable, non, aussi mince que son personnage. C'est ça. transforme, transpose ça dans un monde d'une énorme richesse. Mais à la fin, quand le livre était fini, je me suis aperçu que j'ai montré surtout une mentalité fanatique. Parce que je crois que Pedro Camacho est surtout un fanatique, n'est-ce pas ? Il a une poignée d'obsessions très précises. Et tout est une espèce de variation sur trois ou quatre obsessions. Trois ou quatre thèmes, c'est oui. vrai. Alors ce qu'on voit derrière ça, c'est vraiment une vision étroite, schématique, fanatique en un mot de la réalité. Et quand j'écrivais les romans, je ne me percevais pas du tout que j'étais en train d'écrire un livre sur le fanatisme. Je croyais que je faisais une chose tout à fait différente, non ? Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Guy Scarpetta, c'est intéressant cette idée que, au fond, le personnage de Pedro Camacho, il fascinait Mario Vargas Llosa, mais lui-même ne savait pas très bien pourquoi il écrivait sur ce personnage, ni que ce personnage était, dit-il, un représentant du fanatisme, un fanatique. Bon, je crois que c'est vrai, c'est un représentant du fanatisme dans la mesure où c'est un obsessionnel, extrêmement méticuleux, ressassant certaines obsessions, certains thèmes à satiété. Mais en même temps, quand au bout d'un moment, quand le narrateur Mario analyse sa relation à ce collègue de radio, il parle d'une curiosité mêlée de pitié et d'envie. Pitié parce qu'il est lamentable. Et pourquoi est-il lamentable ? Parce que ce qu'il fait est nul. Parce que ce qu'il fait. Oui, mais tout le monde l'adore. Tout le monde adore ce que fait ce feuilletoniste. Ça vous étonne ? Enfin, c'est peut-être satisfaisant pour lui. Il y a plein de gens aujourd'hui qui adorent des choses nulles. Mais alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce que les chapitres impairs sont censés être issus des feuilletons de Camacho. Les chapitres pairs, puisqu'il y a des liens. Ouais. Et ces chapitres-là sont passionnants, ce sont des petites nouvelles qui sont très très bien écrites. Alors, on se demande si effectivement c'est ça qu'écrit Camacho, alors c'est quand même un grand écrivain. C'est pas un grand écrivain, c'est un grand feuilletoniste, c'est tout. Alexandre Dumas est un grand feuilletoniste, c'est pas forcément un grand écrivain. Bon, voilà, je sais que je vais me faire de 10 millions de détracteurs la seconde. Mais enfin, c'est Dumas qui est au Panthéon, c'est pas Flaubert, si c'est ce que vous voulez suggérer. Bon, on peut se demander pourquoi quand même. Alors, ce qui est étonnant, c'est ce mélange de pitié et d'envie. Parce que d'un côté, il le trouve lamentable, sa vie privée elle-même est lamentable, il a tout sacrifié. Il vit tout seul, il mange tous les soirs la même chose, il a raté sa vie conjugale, c'est un pauvre type, bon. Et en même temps, il y a l'envie, la pitié et l'envie. Et l'envie, c'est quoi ? C'est cette capacité d'imagination. Ça, c'est tout à fait. C'est la fécondité. Hein, c'est-à-dire qu'il est vraiment capable d'écrire énormément. Et pour cet apprenti écrivain qu'est Mario, donc c'est à la fois un repoussoir et un modèle, en même temps. Et l'ambiguïté est maintenue jusqu'au bout, y compris au moment où Camacho devient littéralement fou. C'est-à-dire, ces feuilletons commencent à dérailler. Il mélange les épisodes, il mélange les feuilletons, il fait revenir des morts, les noms changent de personnages, les personnages changent de nom, enfin, ça devient fou. Et c'est au moment où l'aventure amoureuse de Mario devient folle, elle aussi. À tel point que les auditeurs de la radio ne s'y retrouvent plus. Là, dans une pièce aux antiques boiseries coloniales et aux jeunes gens tirés à quatre épingles du palais de la Tourtagle, j'entendis parler d'une nouvelle catastrophe. Il s'agissait d'un naufrage, quelque chose de presque inconcevable. Un bateau italien, à quai à El Callao, rempli de passagers et des personnes qui venaient leur faire leurs adieux, tout soudain, contrevenant à toutes les lois de la physique et de la raison, s'était mis à tourner sur lui-même, s'était renversé à bâbord et avait coulé rapidement dans le Pacifique, entraînant dans la mort, sous l'effet du choc, par noyade ou mangé par les requins, tous ceux qui se trouvaient à bord. C'étaient deux dames qui bavardaient à mes côtés dans l'attente de quelques démarches. Elles ne plaisantaient pas. Elles prenaient ce naufrage très au sérieux. « C'est arrivé dans un feuilleton de Pedro Camacho, n'est-ce pas ?» m'entremis-je. « Celui de 4 heures !» acquiesça la plus âgée, une femme osseuse et énergique avec un fort accent slave. « C'est Luis Alberto de Quinteros, le cardiologue !» Celui qui était gynécologue le mois passé se mêla à la conversation en souriant une demoiselle qui tapait à la machine. et elle se toucha la tempe avec l'air de dire que quelqu'un était devenu fou. Et oui, quelqu'un est bien devenu fou et c'est Camacho justement qui écrit n'importe quoi. Alors il fait mourir des personnages, qui ressuscite quelques épisodes plus tard, qui passe d'un feuilleton à un autre. Oui, oui, mais c'est au moment où l'intrigue parallèle, c'est-à-dire l'intrigue amoureuse de Mario et de sa tante, ou sa pseudo-tante, devient folle elle aussi. Ils sont obligés de... Enfin, ça devient un feuilleton. Ils sont obligés de fuir. Il y a un prêtre véreux qui les marie. On ne sait pas si le mariage est valide ou pas. Ça se passe dans la forêt. Enfin bon, c'est... Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin du roman, on se dit que le narrateur qui va... Parce qu'il y a un épilogue où le narrateur qui a réussi à être écrivain revient à Lima et retrouve Camacho qui est complètement déchu. Mais à ce moment-là, on se dit que le narrateur a échappé en tant qu'écrivain à l'univers du feuilleton, alors qu'inconsciemment, dans sa vie, il s'est conformé à l'univers du feuilleton. C'est-à-dire que tout se passe comme si le personnage adhérait plus ou moins à un univers dont le narrateur, lui, se détache radicalement. C'est quand même très très subtil, et je veux dire que cette subtilité du roman, elle n'empêche pas que c'est aussi un roman très drôle, très léger, amusant, facile à lire, et qu'on peut recommander si on veut passer une bonne soirée, quoi, ou quelques bonnes soirées. Donc voilà. L'enjeu, Guy Scarfetta, de ce livre, c'est comment on devient un grand écrivain, et peut-être plus encore, comment on devient un grand écrivain dans la culture de masse, c'est ça ? Oui, c'est un roman de formation à l'époque de la culture de masse, je crois qu'on pourrait définir ça comme ça. Alors il y a des thématiques aussi qui excèdent cette trame dont vous venez de parler, et notamment la thématique de la transgression. Il y a évidemment la relation quasi incestueuse de Mario avec la sœur de sa tante, et puis il y a aussi, vous l'avez à peine évoqué en passant, dans l'une des petites nouvelles justement qui alterne avec le récit principal, la question de l'inceste avec l'histoire du docteur Alberto de Quinteros. Que lui arrive-t-il ? Des histoires, à vrai dire, je ne sais plus très bien, parce que je suis moi-même affolé par le foisonnement des feuilletons. En fait, il se rend compte, ce docteur, le jour du mariage de sa nièce, qu'en fait, elle s'est mariée avec un petit rouquin qui n'est pas beau, alors qu'elle est sublime. Oui. Et elle se rend compte que si elle a fait ça, c'est parce qu'elle est enceinte, et qu'elle est enceinte de son frère, de son propre frère. De toute façon, chez Vargas Llosa, il y a une thématique de l'inceste qui est sous-jacente dans pas mal de romans. Et je dirais probablement même dans sa vie, puisque cet épisode avec la sœur de sa tante, il l'a vécu, et quand ça s'est interrompu, il a épousé sa cousine. And we're on the air in 5, 4, 3, 2, 1. Good evening. Here's the news this May 10th, 1951 from WEQT Detroit, Motor City's finest sounds. I'm J.C. Williams. The hunt for the murderer of patrolman Richard Last continues to exercise Detroit's police department. So far, no clues have been found as to the identity of a man thought to be in his late 30s who gunned down patrolman Last in a back alley 30th last week. Yeah, hello. Former councilman Reynolds Phillips is the... What? Is this some kind of gag because we're on the air? Alaskan Liberation Organization. Yes, sir. Oh, my God. Did you tell me where the... Hello? Hello? Extrait de l'adaptation de La Tante Julia et le Scribouillard par John Amiel. La radio est importante dans le roman dont on vient de parler, mais c'est aussi important dans la vie de Mario Vargas Llosa qui a travaillé pour cette auguste entreprise dans laquelle nous nous trouvons. Absolument, c'est à Paris. Ça s'appelait pas Radio France à l'époque, c'était la RTF. C'est à la RTF qu'il a travaillé au moment où il découvrait Flaubert à Paris. Et il y a même une phrase de lui dans l'introduction qu'il a donnée à ses œuvres en Pléiade, c'est où il dit en substance, c'est à Paris que pour la première fois, je me suis senti latino-américain. Ouais. Et alors ici, alors que le bâtiment était en construction, il est toujours un peu en construction ici, le bâtiment de la radio, eh bien, il a rencontré quelqu'un qui s'appelait Gilbert Lely. Je ne sais pas si vous avez souvenance de ça. C'est un biographe du Marquis de Sade. C'était un ami. Un de vos amis ? Oui. Ah, très bien. Et alors, vous savez donc... qu'il était speaker à la radio et qu'il aimait faire du point de croix, paraît-il, entre les flashs. Très extravagante. C'est le seul personnage que j'ai connu qui avait au cou une médaille de Louis XVIII. Ouais. Et donc Vargas Llosa aimait beaucoup discuter avec lui jusqu'au jour, enfin ça a renforcé le fait qu'il aimait beaucoup discuter avec lui quand il s'est rendu compte que c'était l'auteur de cette biographie. La biographie du Marquis de Sade, l'éditeur de plusieurs textes du Marquis de Sade. Alors Guy Scarpetta dans La Fête au Bouc, il y a aussi un peu la radio, mais il y a surtout les coulisses du pouvoir et même les coulisses de la dictature. Oui, alors ça remonte à une soirée à Londres en 1967 où Vargas Llosa et Carlos Fuentes, qui à l'époque n'étaient pas brouillés encore, et communiaient plutôt dans la sympathie envers Cuba, qui va par la suite les séparer, se mettent à se raconter les histoires de dictateurs latino-américains. Alors, des histoires complètement extravagantes. Il y a un dictateur, par exemple, qui, quand il a pris le pouvoir, a entendu sa mère dire à la radio « Si j'avais su que mon fils allait devenir président, je lui aurais appris à lire. » Il y a le dictateur de, je crois que c'est de Salvador, qui avait décidé qu'il fallait que toutes les lumières soient recouvertes de papier rouge pour éviter la scarlatine. Et ils se sont dit, au bout d'un moment, ils étaient là au bistrot comme ça, mais l'imagination romanesque pourra jamais aller aussi loin. On vient d'un continent où la réalité surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Et ils se sont dit, mais on devrait demander à nos amis écrivains d'écrire le roman d'un dictateur. Bon, ils ont demandé à plein de gens autour d'eux, y compris Julio Cortázar, qui ne l'a pas fait. Et le projet n'a pas abouti, sauf que ça a donné lieu à trois chefs-d'œuvre de la littérature latino-américaine. Le recours de la méthode d'Aliro Carpentier, Moi le suprême de Roa Bastos, et L'automne du patriarche de Gabriel García Márquez. Mais ils ont gardé ce projet. Fuentes, jusqu'au moment de mourir, voulait faire un roman sur la fin de Porfirio Díaz au Mexique. Et juste avant l'an 2000, Vargas Llosa a ressorti ce projet qui raconte les derniers jours et la chute du dictateur Trujillo à Saint-Domingue. Alors là, il y a aussi trois lignes qui se croisent, trois lignes narratives. Alors, il y a, en effet, il y a l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Urania Cabral, qui a quitté Saint-Domingue, on ne sait pas trop pourquoi, au début du roman. Après ou juste avant la mort du dictateur Trujillo. Au moment de la chute du dictateur, et qui revient plus de 30 ans après pour voir son père qui est resté à Saint-Domingue et qui est en train de mourir. Et on sent qu'elle a un secret qui a foutu en l'air sa vie. Et parce qu'elle n'a pas revu son père pendant 35 ans. Voilà, et on sent qu'elle a un secret, un trauma, et qu'elle revient aussi pour le conjurer. Bon. La deuxième ligne, là on est dans les années 90. Bon. La deuxième ligne d'intrigue nous ramène en 61, c'est-à-dire au moment de la chute de Trujillo, et là il y a des chapitres totalement éblouissants où on rentre dans la voie intérieure du dictateur. C'est-à-dire alors qu'il est lâché par les Américains et qu'il sent sa fin arriver. Non, il ne le sent pas trop, justement. Il est lâché par le protecteur américain, il est lâché par l'Église. Le rapport de force est en train de tourner en sa défaveur, mais il est tellement fou, obsessionnel, mégalomane, sadique, sûr de son pouvoir, distribuant les grâces et les disgrâces, exerçant un pouvoir tyrannique implacable, que il se rend pas compte que l'histoire est en train de tourner. Et là, je dis c'est un exploit, parce que les historiens peuvent nous raconter les faits, Mais seul un romancier peut rentrer dans le monologue intérieur d'un dictateur. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'historien. Et la troisième ligne d'intrigue, c'est l'histoire des conjurés, qui tous ont des bonnes raisons pour se débarrasser du dictateur. Et puis il y a un moment où le récit s'affole, c'est-à-dire ces trois séries se focalisent surtout sur l'événement, c'est-à-dire la chute du dictateur, parce que rien ne se passe comme prévu. La police qu'on croyait pouvoir rallier, en fait, on la rallie pas du tout. Le général qui devait prendre la tête d'une junte à la suite du dictateur. Il se dérobe au dernier moment et les conjurés qui sont prêts à tuer le dictateur sont pris d'un étrange état de panique, comme s'ils étaient à la fois angoissés de réussir et angoissés d'échouer. Alors c'est bon. Ça qui est aussi troublant, c'est que on n'est pas sûr finalement, une fois que le dictateur a disparu, qu'il a été assassiné, finalement il y a un sentiment de vide. Et ce sentiment de vide trouble un peu tout le monde finalement. Trouble un peu tout le monde et il arrive un rebondissement, c'est-à-dire ce qu'on n'attendait pas, à savoir c'est un des sbires du régime, qui s'appelle Balaguer, qu'on croyait être une espèce de factotum du dictateur et qui va assurer la succession, mais avec suffisamment d'intelligence et de sens tactique pour pouvoir amorcer une transition, peut-être pas vers la démocratie, mais en tout cas vers un régime plus présentable. Et le seul qui tire les marrons du feu par son intelligence, c'est ce personnage, ce fantoche, ce personnage qui était auparavant considéré comme fallot, ce qui est fréquent dans l'histoire, hein, les gens qu'on présente comme des personnages de transition et qui finissent par marquer de leur autorité le pouvoir et qu'ils ont acquis. Bon, Alors qu'est-ce que vous retenez, Guy Scarpetta, de ce deuxième roman que vous avez voulu un peu décortiquer pour nous aujourd'hui ? Je retiens d'abord que une première chose, c'est que c'est un roman qui démonte les mécanismes de la dictature, y compris la manière dont elle fonctionne dans les têtes. Et c'est là que c'est un roman et pas un essai. Et pour comprendre l'histoire, il faut lire de la littérature, c'est ça finalement que vous dites ? Évidemment. Évidemment, pour comprendre l'histoire, il faut lire de la littérature. Et Vargas Llosa ne se contente pas de faire une chronique, comme un historien aurait pu en faire, ou de faire un livre à thèse. Hein, y pénètre dans l'intériorité, y compris dans les ambiguïtés. Et je dois dire, par exemple, que Vargas Llosa, un de ses grands mystères, en fait, c'est qu'il y a chez lui la coexistence d'un idéologue et d'un écrivain. Et que souvent les deux n'ont rien à voir. Bon, un idéologue libéral, et vous racontez d'ailleurs dans un article du Monde Diplomatique une séance à la Maison de l'Amérique latine où Vargas Llosa venait parler de son livre et on l'interpellait sur des questions politiques. C'était l'époque où il était quand même dans un trip libéral, il faisait des grands dithyrambes envers Margaret Thatcher, il prononçait son mot comme s'il avait du sucre sur la langue, enfin c'était extraordinaire, et il tombe au milieu de la Maison de l'Amérique latine et tout le monde l'engueule à propos de ses éditoriaux, de ses articles idéologiques. Et au bout d'un moment, je trouve que c'est stupide, et je prends la parole, j'étais là, bon, on devait parler de la fête au bouc, et je prends la parole et je dis, écoutez, les positions idéologiques de Mario Vargas Llosa, il y a des dizaines et des dizaines d'intellectuels qui tiennent les mêmes, alors que la fête au bouc, il n'y a qu'un seul écrivain qui est capable d'écrire un roman aussi magistral. Alors, si on revenait à l'essentiel, bon, ouais. Alors, ça a calmé le jeu. Mais lui n'a pas forcément pris ça comme un compliment. Alors, lui, il m'a regardé, il m'a dit avec un grand sourire, tout dedans dehors, comme il peut en avoir, je suis pas certain que ce soit complètement un compliment. Voilà. Mais alors, tout ça pour dire que ramener Vargas Llosa à ses prises de position politique ou idéologique, c'est rater l'essentiel. Hein, ça, c'est rater. Et puis ensuite, un dernier point à propos de la fête au bouc, pour terminer. C'est un livre qui défend pas une thèse, mais qui pose des questions. Pourquoi est-ce que les conjurés sont hantés par l'angoisse de réussir autant que par la peur d'échouer ? Pourquoi Cabral a-t-il sacrifié sa fille alors qu'il n'avait plus rien à attendre Ça, on l'a pas dit, fait, qu'il avait donné sa fille, finalement, comme quasiment un cadeau. Pourquoi la mort de Trujillo suscite-t-elle un sentiment de vide dont vous avez parlé ? Et il laisse ça en suspens, et il suggère ceci, quand même, qui est très, très dérangeant. Une dictature ne se perpétue pas seulement par la répression policière. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fascination secrète, irrationnelle, qui est le ressort de la servitude volontaire et qui est ce qui unit obscurément les victimes à leurs bourreaux et les peuples à leurs tyrans. Et ça, c'est une question vertigineuse. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Eh bien, merci beaucoup Guy Scarpetta d'être venu une nouvelle fois après Philippe Ross nous parler dans cette émission aujourd'hui de Mario Vargas Llosa. On trouvera sur notre site les références de vos derniers ouvrages, notamment celui sur Raoul Ruiz, publié aux éditions Nouvelles avec Benoît Peters. Dans un instant, j'accueillerai Zoé Valdés qui nous parlera de l'importance pour elle de l'écrivain hispano-péruvien. Mais tout de suite, dans la compagnie des auteurs, eh bien, c'est le moment de retrouver nos amis des pages culture de l'Obs. Et en l'occurrence, aujourd'hui, Bernard Géniès. Bonjour Bernard. Bonjour. Dans l'Obs à paraître demain, nous pourrons lire un article de David Caviglioli intitulé « Un certain Monsieur Chevillard ». Et c'est de cet article que vous avez souhaité nous parler. Absolument. Donc, ce monsieur Chevillard, en fait, c'est Éric Chevillard, qui est un écrivain et critique français, qui a publié à peu près une trentaine de livres. Hein, 39, je crois. 39, oui. Il publie beaucoup et il parle peu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit à l'écart des circuits de la pensée parisienne ou française, si on peut dire. Mais enfin, il vit à Dijon. Et donc, David Caviglioli l'a rencontré donc chez lui. À l'occasion de la sortie de Rose Ronce aux éditions de Minuit. Qui est un roman. Et donc, la rencontre se fait donc autour du personnage. Il nous raconte un petit peu l'existence qu'il mène. C'est un peu une existence, on pourrait dire monacale, en tout cas assez discrète. Et il nous parle surtout aussi beaucoup de sa position de critique. Alors c'est vrai qu'Éric Chevillard est connu, donc on l'a rappelé tout à l'heure, sur deux registres, hein, sa propre production d'écrivain. Et sa production de critique, puisqu'il est, en fait, il dirige, il tient une chronique pour Le Monde des Livres. Dont on dit qu'elle est très lue et très. Alors elle est appréciée. Très lue et elle est très contestée. Bon, je trouve que c'est bon signe qu'aujourd'hui, qu'il y a encore des critiques qui puissent susciter des positions et oppositions. Donc Éric Chevillard a été surtout repéré par les flèches qu'il a adressées à des grands monuments français, Modiano, Le Clésio. Dans une moindre mesure, Bec Bédé et autres. Éric-Emmanuel Schmitt, genre. Et qui, en plus, lui, est juré du prix Goncourt. Donc, la position de Chevillard, c'est de dire que la littérature existe, il en témoigne en écrivant. Il défend aussi l'idée d'une littérature qui soit une littérature authentique. Qu'est-ce que c'est qu'une littérature authentique? C'est une littérature qui a d'abord un langage, qui n'est pas simplement une succession de mots. On peut dire qu'un contrat d'assurance automobile, c'est un roman, puisqu'il y a des mots, c'est pas tout à fait un roman. Donc il défend l'idée, en effet, d'une littérature exigeante, une littérature qui a du sens, un sens qui s'articule pour lui essentiellement autour de la langue et de l'esthétique de la langue. Alors il est évident que c'est vrai que chez Schmitt, par exemple, il trouve une esthétique assez faible, pour ne pas dire inexistante. Donc il s'exprime là-dessus, et donc le portrait, en tout cas, de David Caviglioli nous montre assez bien, justement, les positions, alors qu'on peut trouver injustes pour certaines, mais en même temps réelles et affirmées, sur cette guerre, on peut parler d'une guerre, qu'il mène contre cette littérature qui n'en est plus une. Mais alors il y a cette idée chez lui que le roman n'est pas forcément là pour raconter des histoires, que finalement le cinéma le fait très bien. Et lui, d'une certaine manière, s'il pouvait ne pas être romancier, s'il pouvait être simplement poète, il le serait. Et c'est un peu par défaut, comprend-on en filigrane, qu'il est romancier. Oui, enfin, l'idée du cinéma qui dit tout, il emprunte à Sarraute en disant en gros aujourd'hui Balzac n'est pas au cinéma, le cinéma raconte autre chose, etc. Je pense que c'est vrai que c'est une idée qui a toujours été présente dans la littérature. Quand vous lisez même Flaubert, bien sûr, c'est un roman, mais quand vous lisez le dictionnaire des idées reçues, est-ce que c'est de la littérature, est-ce que c'est en tout cas une prise de parole. Et donc lui, je crois, défend en effet cette idée-là. Dernier roman, apparemment, aurait une histoire à l'intérieur. Son dernier roman, il y a une fiction avec un personnage, etc., une petite fille qui recherche son père, etc. Mais je crois que là où Chevillard, si on peut dire, fait mal, si on peut dire, c'est vrai qu'on a perdu peut-être aujourd'hui le sens de ce que peut être le langage de l'écriture, comme il y a un langage au cinéma, comme il y a un langage en art, etc. Donc il défend cette idée-là. Est-ce que le roman doit tout dire et tout faire? Non. Et donc lui reprend la parole sur ce thème d'une écriture qui a une autonomie propre et qui dit des choses, qui construit des choses, qui imagine des choses et qui en cela peut être considérée comme fiction ou non. Merci beaucoup Bernard Géniès. Tout cela et bien plus encore, comme d'habitude, dans les pages culture de l'Obs. flor de las Antillas, rica pulpa de sandunga. Por eso al bailar la rumba, el mundo se tambalea. Vayan al compás conmigo, para que aprendan la rumba, que es el baile que resumba en cualquier parte del mundo. Bailo también guaguancó, bailo con gay la Colombia, pero lo que más me gusta es el ritmo de mi rumba. Dernier moment de cette série d'émissions consacrée à Mario Vargas Llosa. Décidément, c'est difficile à prononcer. Nous le passons en compagnie de l'écrivaine Zoé Valdés. Quand vous étiez jeune adulte, on disait de vous que vous étiez le petit Sartre. Sartre pensait que la fiction, enfin le roman, pouvait changer la réalité. Vous pensez, vous, que la fiction peut changer la réalité? Vous êtes intervenu dans le monde politique pour essayer de changer la réalité aussi? Oui, je crois que la fiction change la réalité. C'est-à-dire que c'est d'une façon qui n'est pas contrôlée par l'écrivain. Un romancier ne peut jamais déterminer en avance les changements que sa fantaisie va provoquer. Mais je suis convaincu qu'un grand roman change profondément la conscience, la sensibilité, l'imagination, les désirs des lecteurs. Entretien avec Claude Mourté en 1995. Bonjour Zoé Valdés. Bonjour. Vous croyez, vous aussi, que la fiction peut changer la réalité? Oui, tout à fait. C'est ce qui m'est arrivé avec Mario Vargas Llosa et son œuvre. Quand j'étais à Cuba, quand j'ai pu enfin lire un livre de Mario Vargas Llosa, ça m'a beaucoup changé. Ça a changé surtout l'idée que j'avais de l'idée qu'on nous avait imposée de la littérature. Et ça m'a changé aussi, évidemment. J'ai commencé à apprendre ce que c'était la liberté, comment on pouvait écrire en liberté. Alors on va peut-être replacer, avant de parler de cela, quelques éléments. Dire d'abord que vous êtes cubaine, exilée en France depuis 1955. Vous publiez en ce moment La Havane, mon amour, aux éditions Artaud, traduit par Aymeric Rollet. La Havane, c'est cette ville évidemment que vous avez quittée et où vous êtes né en 1959, qui fut ce qu'on pourrait appeler une année fatidique, puisque c'est l'année où Fidel Castro a pris le pouvoir à Cuba. Vous êtes donc placé sous ce patronage, que vous le vouliez ou non. Oui, mais c'est déjà du passé, heureusement, parce que cette année, c'est la première année de ma vie où je vis sans Fidel Castro. Mais oui. Donc, vous voyez comme c'est important pour moi, en ce moment, de vivre sans la présence d'un dictateur et sans la présence surtout qui a été imposé, qui nous a été imposé et qui a contrôlé pendant 5 à 7 ans la vie des Cubains. Et Mario Vargas Llosa a commencé, lui, par aimer la révolution cubaine. Oui, il était un des plus enthousiastes. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure où les choses ont commencé à se développer, des exécutions massives et tout ça, il a commencé à réfléchir. Et puis ensuite, il y a eu ce fameux, tristement fameux procès contre le poète Berto Padilla en 71. Et c'est là que Mario Vargas Llosa a été déçu, complètement déçu. Il a dit, il a déclaré qu'il ne pouvait pas plus continuer, qu'il ne pouvait plus continuer à soutenir un procès, des procès staliniens. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de rompre avec le castrisme. Et aujourd'hui, il ne prononce plus le mot socialisme. Aujourd'hui, il se définit comme libéral. Mais ça ne l'empêche pas d'être un romancier subtil, complexe, puissant, pénétrant. Il arrive finalement à englober toutes ces choses ensemble. Oui, je pense qu'il est aujourd'hui, il est derrière tous ces moments ou cette étape qu'il a vécue comme aussi homme politique, présence importante dans la politique. Il continue à l'être, évidemment, parce qu'il fait des déclarations, il écrit des articles dans El País. Et c'est une des signatures d'El País, l'une des plus importantes. Et il donne ses avis, ses opinions politiques, mais surtout aujourd'hui, c'est les grands écrivains qui importe, qui est le plus important, sa littérature, son écriture. C'est, à mon avis, c'est ce qui est aujourd'hui le plus important. Est-ce qu'on peut dire, Zoé Valdez, que finalement, ce qui a constitué votre révolution à vous, ce qui a été une révolution pour vous, c'est la découverte des romans de Mario Vargas Llosa? Oui, sûrement, et c'est une révolution parce que il m'a appris beaucoup de choses, pas seulement la vérité des mensonges, comme lui-même il a écrit, qui est la littérature, aussi, par exemple, les dialogues croisés. Ça, c'est très important dans son littérature. Dont on parlait un peu avec Guy Scarpetta en première partie. Oui, ça m'a beaucoup impressionné, ça m'a beaucoup influencé. Je lui dois ça, et puis je lui dois aussi beaucoup de choses. Des mots, par exemple, le mot trastabillar, qui en espagnol, c'est un mot très, très beau. C'est très difficile en français. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne me souviens plus comment on dit en français, mais c'est quelqu'un, trébucher, je crois. Ah, trébucher, oui. Mais en espagnol, c'est beaucoup plus beau. C'est bien trébucher aussi. Mais, et des mots qu'on n'utilise plus à Cuba, et que lui, il sortait évidemment de sa lecture et sa culture, son immense culture. C'est un écrivain en plus qui vous donne pas seulement une histoire, qui vous donne aussi une culture. Alors vous avez découvert d'abord La ville et les chiens en 1970, mais évidemment à Cuba, ces romans-là ne circulaient pas. Comment ça s'est passé, votre découverte de ce roman? C'était un de mes premiers amoureux à Cuba qui m'a parlé en cachette de ses romans. Ensuite, j'ai eu. C'est un amoureux qui vous emmenait dans des ateliers littéraires. Oui, dans des ateliers littéraires épouvantables où on nous disait qu'est-ce qu'il fallait écrire, des lois à la révolution, aussi aux héros de la révolution et tout ça. Mais c'était des ateliers des jeunesses communistes. Oui, c'était ça. Je n'appartenais pas à la jeunesse communiste, mais quand on voulait être écrivain, on devait passer aussi par... Moi, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais être, mais j'écrivais déjà. Et à ce moment-là, on m'a parlé de ces livres en cachette, évidemment. Ensuite, j'ai eu un autre amoureux qui était venu après mon premier mari. Et il voyageait, il avait la possibilité de voyager. Il apportait des shampoings, de savon, des trucs étranges de l'étranger. Et des livres, c'était le plus important pour moi. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu d'un voyage avec ce livre de Vargas Llosa, qui était pour moi la première lecture de Vargas Llosa, la grande découverte. Et c'était en cachette. Vous l'avez lu dans la nuit? Oui. Et on ne pouvait pas... Dans 2 heures, je lis le livre, et puis je ne pouvais plus dormir. Et c'était évidemment une révolution pour moi. Je suis sortie, je me souviens... Je suis sortie dans la rue très très tôt le matin et je suis allée voir ma mère et j'ai dit à ma mère, j'ai lu un livre immense et ma mère qui était évidemment, elle n'était pas quelqu'un de cultivé mais elle avait lu très peu de livres mais elle aimait beaucoup un seul livre et c'était Don Quichotte. Elle m'a dit mais j'en doute, Don Quichotte c'est le plus grand livre. J'ai dit non maman, tu vas voir, tu vas aimer ce livre. Et après j'ai pu lui prêtait parce que ce n'était pas moi le livre. Elle l'a lu, elle a adoré aussi, elle a beaucoup aimé. Et évidemment, c'était une autre, pas seulement un autre langage que les Cubains, c'était aussi un langage spirituel et un langage de révolte qui m'a impressionné, qui m'a beaucoup influencé. Et vous racontez tout cela dans un article que vous avez donné au Cahier de l'Erne consacré à Mario Vargas Llosa. Et vous le racontez très bien, cette nuit de canicule où vous avez lu ce livre, il y avait quand même un ventilateur. Russe, oui. Mais comme les ventilateurs russes avaient tendance à avoir des moteurs un peu trop importants pour leur taille, ils faisaient des sauts comme ça dans la chambre. C'est un souvenir que vous gardez aussi de cette première lecture, un souvenir poétique au fond. Oui, en plus c'était un ventilateur qu'on vendait avec un frigidaire soviétique à l'époque, et évidemment le moteur était plus grand, il marchait tout au long du meuble, et à la fin il fallait l'arrêter avec un truc pour le remettre à sa place, et ben, c'était les choses qui venaient de l'ancienne Union soviétique. C'est pour ces raisons-là aussi que Mario Vargas Llosa est très cher à votre cœur, car ce sont quand même des souvenirs de votre passé, tout ça. Oui, ce sont des souvenirs qu'aujourd'hui me font rire, mais à l'époque, ce n'était pas du tout de la rigolade. Todo lo que pasa, rosa mi nariz, como si fuera cosa pasajera, mariposa que voló, vestida de miel sobre la marea. Hallarte a oscuras, si oyes el rumor, puede ser el carnaval. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Mario Vargas Llosa avec Zoé Valdés. Alors, ce roman, La ville et les chiens, vous l'avez prêté à votre mère, mais vous l'avez prêté aussi à votre voisin qui était critique d'art. En fait, on se le passait quand même sous le manteau, mais c'était dangereux aussi de se passer ce livre comme ça si les autorités le découvraient. Qu'est-ce qui pouvait vous arriver? Oui, parce qu'il y a, vous savez, des amendes. Et il y a très peu de temps. Et déjà avec Raúl Castro au pouvoir, ben il était toujours au pouvoir, mais en tant que président, une femme qui a lu, qu'on a vu avec un livre de Guillermo Cabrera Infante, un autre auteur cubain, elle a eu une amende de 500 pesos. C'est beaucoup pour un salaire cubain. Donc il y avait des amendes, vous posez des amendes, il y a toujours des amendes pour la lecture d'un livre qui est interdit à Cuba. Il y a beaucoup d'auteurs, des auteurs qui sont interdits à Cuba aujourd'hui. Alors votre voisin vous l'a rendu assez vite, il l'a lu aussi dans la nuit, et il s'est mis à attendre fébrilement le second, La Maison Verte, et vous aussi vous avez attendu fébrilement de pouvoir lire La Maison Verte. Alors La Maison Verte, c'est très important pour moi parce que le personnage de Bonifacia a beaucoup influencé un personnage que j'écris plusieurs années plus tard dans La Douleur du Dollar. Bonifacia, d'une certaine façon, c'est la Cuca Martinez de ses romans La Douleur du Dollar quand elle était jeune. Mais évidemment, ce n'est pas du tout la même histoire. Vous pouvez nous rappeler l'histoire de La Maison Verte rapidement? Oui, c'est difficile à expliquer parce que c'est un livre où il y a tout un monde d'un endroit où il y a des prostituées, où il y a une fille qui se prostitue, c'est un monde. Ça se passe dans la forêt amazonienne. Dans la forêt amazonienne, c'est un livre où les plus importants de ces livres, ce n'est pas seulement l'histoire, c'est le langage. Parce qu'il y a des sauts de temps, il y a des dialogues aussi très longs, où il y a ce sont des dialogues de personnages, mais aussi des dialogues d'auteurs. C'est les dialogues l'auteur qui parle aussi et qui donne pas seulement la description, mais aussi il appartient aussi à l'histoire. Donc pour moi c'était une découverte littéraire, une découverte d'un style littéraire. Et qui paraît un peu avant Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Et ça, c'est peut-être un écho aussi vous-même, vous le ressentez en écho, ce livre-là, et ça va vous inspirer dans vos œuvres. Mais est-ce que Garcia Marquez et Le Cent Ans de Solitude, qui s'apprête à paraître, a pu, selon vous, aussi trouver un écho dans La Maison Verte ou s'inspirer de La Maison Verte? Peut-être, mais je crois que Garcia Marquez avait son propre univers aussi, mais évidemment, Garcia Marquez, Vargas Llosa et d'autres écrivains latino-américains se sont connus. Ils faisaient aussi une littérature qui est une littérature pas nostalgique, mais qui recrée depuis l'exil et leur vie dans leur pays. Oui. Et ça, évidemment, ça crée un style, ça crée une forme, une vision de voir le monde et de redécouvrir aussi les endroits où ils sont nés, où ils ont vécu. Et vous le lisez différemment, Vargas Llosa, depuis Paris, ou par rapport à la manière dont vous le lisiez à Cuba? Surtout depuis mon âge. C'est l'âge qui compte, ce n'est pas l'endroit, c'est l'âge. C'est-à-dire, on devient évidemment beaucoup plus... on a beaucoup plus lu et on devient un peu plus cultivé et on comprend beaucoup d'autres choses que j'avais pas compris avant. Mais comme quoi, par exemple? Par exemple, le changement d'endroit à l'heure de l'écriture, c'est-à-dire on devient beaucoup plus passionnel quand on écrit en exil que quand on est à l'intérieur. Quand on est à l'intérieur, on se laisse dévorer par la réalité. Quand on est en exil, on contrôle beaucoup plus la réalité et c'est vous qui dévorez la réalité du passé, de la mémoire, du souvenir. C'est très important pour un écrivain. Et Vargas Llosa dit justement avoir compris l'Amérique latine à Paris. Oui, voilà. Et Lydia Cabrera Infante disait aussi, Lydia Cabrera disait aussi, j'ai découvert Cuba au bord de la Seine. C'est un anthropologue écrivain cubaine. Il y a, et vous connaissez sûrement le poème de Victor Hugo qui s'appelle « L'exilé satisfait ». Il dit « Ce qui voit d'eau voit bien, mais ce qui voit de loin voit juste ». Et c'est très important pour un écrivain de voir juste. Ça, on l'apprend avec l'âge, évidemment. Pour vous, Vargas Llosa, on a pu parler seulement des tout premiers romans. Il est resté le même au fur et à mesure de sa très longue carrière d'écrivain. Voyez-vous des évolutions? Pensez-vous qu'il se soit bonifié, qu'il se soit modifié, ou au contraire d'ailleurs? Comment voyez-vous son parcours? Je crois que c'est le seul écrivain du monde latino-américain qui se renouvelle à chaque fois, qui grandit à chaque fois, on peut pas dire ça aussi non plus de, c'est-à-dire il y a d'autres écrivains qui ont aussi, qui se sont renouvelés, qui ont aussi grandi, mais lui, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui est très important pour un écrivain, c'est il découvre à chaque fois et il étudie toujours. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, une fois je suis arrivée à la bibliothèque François Mitterrand, et je rentre, et je découvre au fond, dans une petite table, Mario Vargas Llosa qui était en train d'étudier. Et ça m'a beaucoup, ça fait quelques années seulement, ça m'a beaucoup impressionné parce que aujourd'hui c'est rare de voir un écrivain de son âge et de sa grandeur toujours dans une bibliothèque en train d'étudier et surtout de faire des recherches pour son œuvre. Est-ce que vous êtes allé le voir? Non, je n'ai pas osé de le d'interrompre. Mais je connais Vargas Llosa, je crois que je suis une de ses amies et on se voit et on s'aime beaucoup. Son travail, pour moi, c'est sacré et je n'ai pas osé à ce moment-là de l'interrompre. Est-ce que le boom latino-américain, et je terminerai par cette question qu'on a dit un peu éteint, est-ce que pour vous, il revit ou il s'apprête à revivre? Dans quel état se trouve la littérature sud-américaine? Non, je crois qu'elle est bon, c'est fini, qu'il n'y a plus de... C'est-à-dire, il y a toujours Vargas Llosa et d'autres écrivains, surtout leur œuvre qui est là, les livres qui sont là, Mais il y a déjà d'autres écrivains aussi grands et aussi importants qui sont hors les bons latino-américains. Donc vous êtes optimiste pour la littérature. Bolaños, par exemple, ouais. Roberto Bolaños. Et il y a d'autres qui n'appartiennent pas au boom, mais qui sont des grands écrivains aussi. Merci beaucoup, Zoé Valdés, d'être venu nous parler de votre Mario Vargas Llosa. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La Havane, mon amour, disponible chez Artaud. Et pour poursuivre les recommandations de lecture, signalons la parution du dernier numéro de France Culture Papier sous le titre La démocratie à l'épreuve. Il est disponible en librairie et en kiosque. Demain, c'est Manou Farine que vous retrouvez pour Poésie et ainsi de suite. Quant à nous, la semaine prochaine, nous la consacrerons aux nouvellistes, journalistes et romanciers, surtout Guy de Maupassant. Tout de suite, Jacques Bonafé pour une dernière lecture de poèmes consacrée à Eri De Luca. Bonjour. Allée simple de Eri De Luca. Au quatrième jour, le bateau est arrivé. Nous sommes sur les plages d'Italie, dans le camp des réfugiés. Nous sommes les innombrables, redoublés à chaque case d'échiquier. Nous pavons de squelettes votre mère pour marcher dessus. Vous ne pouvez nous compter. Une fois comptés, nous augmentons, fils de l'horizon qui nous déverse assaut. Nous sommes venus pieds nus, sans semelles, et n'avons senti ni épines, ni pierres, ni queue de scorpion. Aucune police ne peut nous opprimer, plus que nous n'avons déjà été blessés. Nous serons vos serviteurs, les enfants que vous ne faites pas. Nos vies seront vos livres d'aventure. Nous apportons Homère et Dante, l'aveugle et le pèlerin, l'odeur que vous avez perdue, l'égalité que vous avez soumise. De toute distance, nous arriverons, à millions de pas, ceux qui vont à pied ne peuvent être arrêtés. De nos flancs naît votre nouveau monde, elle est nôtre, la rupture des eaux, la montée du lait. Vous êtes le cou de la planète, la tête coiffée, le nez délicat, sommet de sable de l'humanité. Nous sommes les pieds en marche pour vous rejoindre, nous soutiendrons votre corps, tout frais de nos forces. Nous déblairons la neige, nous lisserons les prés, nous battrons les tapis. Nous sommes les pieds et nous connaissons le sol pas à pas. L'un de nous a dit, au nom de tous, « D'accord, je meurs, mais dans 3 jours je ressuscite et je reviens. » Dans la deuxième partie du livre, Eri De Luca reprend d'anciens poèmes comme « Ce soir ». Je suis ce soir avec vous pour vous dire « Dans cette salle siège une part d'assassins, de voleurs, de menteurs, de suicidaires. Et moi je suis frère du pire qui est dans un homme, en moi et en chacun, tel un frère jumeau. Je ne suis pas le juge du fils de mon père, je ne suis pas son gardien. J'aime celui qui soudain a honte, jette ses mains sur son visage et ainsi expie. Ce soir parmi vous, moi, j'aime l'ivrogne qui perd le chemin de sa maison. » Un autre poème est « Table ». Je me suis assis à des tables somptueuses, où les verres vont avec les vins, et des hommes tellement plus élégants tournent pour servir les plats. Mais je connais mieux la table où l'on frotte le fond de son assiette, avec le pain et les doigts rouillés. Table de banc bas à midi, de souffle honteux d'appétit. Pas de murmure de convives commentant le repas, mais de gorges endurcies qui avalent pour retrouver leur force de travail et ne portent pas droit leur couvert à la bouche, mais se penchent dessus, mordent en l'air pour cacher leur maigre bouchée. Le presque rien reste du soir et ils ne parlent pas de nourriture de peur de la nommer en vain. Voilà tes poèmes d'Eri De Luca, lus par Jacques Bonafé. Bientôt 16h sur France Culture. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la méthode scientifique. Très bon après-midi à toutes et à tous.